Radio Louange à Dieu vous propose d'écouter des louanges en diverses langues. Chers auditeurs, rappelez-vous de Psaume 150 verset 6, et d'Hébreux 13 verset 15 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Kusukele busheni bam. Kusukele busheni bam. Mina benzo epila lempilo. Baba. Baba. Baba. Baba. Ngixolele. Eshe. Baba. Eshe. Baba. Baba. Baba. Ngixolele. Sacishe safa. Sacishe safa safa. Sahlala mambuka sahlala usathane ngene endlini. Yaxabanisa abantu bezalana. Sacishe safa. Sacishe safa safa. Sahlala mambuka sahlala usathane ngene endlini. Yaxabanisa abantu bezalana. Baba ngixolele. Ke mina baba ngixolele. Baba ngixolele. Baba ngixolele. Ngixolele baba. Baba ngixolele. Ngonile bo. Baba ngixolele. Hey mina ngonile bo. Baba ngixolele. Oh ngonile bo. Baba ngixolele. Baba ngixolele. Baba ngixolele. Baba ngixolele. Baba ngixolele. Baba ngixolele. Baba ngixolele. Baba ngixolele. Baba ngixolele. Baba ngixolele. Baba ngixolele. Baba ngixolele. Baba ngixolele. Baba ngixolele. Baba ngixolele. Wenyukela uJesu. Wenyukela, wenyukela. Wenyukela uJesu. Wenyukela, wenyukela. Wenyukela entabeni. Abamthandayo bamnyukela. Wenyukela, wenyukela bam. Wenyukela, wenyukela. Wenyukela bam. Wenyukela, wenyukela. Wenyukela entabeni. Wenyukela, wenyukela mam. Wenyukela, wenyukela. Abafundi bakhe. Wenyukela, wenyukela. Wenyukela mam. Wenyukela, wenyukela. Wenyukela uJesu. Wenyukela, wenyukela. Wenyukela mam. Wenyukela, wenyukela entabeni. Abamthandayo bamnyukela. Abafundi bakhe bemnyukela. Wenyukela, wenyukela, wenyukela. Wasukusumqhele. Wenyukela, wenyukela. Wasukusumqhele. Wenyukela, wenyukela. Wenyukela mama. Wenyukela, wenyukela. Wenyukela baba. Wenyukela, wenyukela. Wenyukela ubaba. Wenyukela, wenyukela. Wenyukela umama. Wenyukela, wenyukela. Wasukusumqhele. Wenyukela, wenyukela. Wasukusumqhele. Thank you. I'm not afraid to die.

Alléluia. Nasepela katango yokita kae papa e. Papa. Na yoka kesengo tango yo pambola kangai papa e. Papa. Kela kangai telo tango pambola kangai papa e. Papa. Oyonde zai tango solo la kanangai papa e. Papa. Oyo kopa kula matango solo la kanangai papa e. Papa. Kaina yembera. Yesu. Kaina sanjola. Yesu. Mobali anibale. Santo, Jesus, mon bali na kayo, Jesus, elombe mon banjo yo, Jesus, oh akupeli na yo, oh anayemela, Jesus, kaina bilela ka, Jesus, kaina sanjola, Jesus, elombe mon banjo, Jesus.